Yeah. J'ai grandi dans des pièces trop pleines, des portes qui claquent, des silences de peine. Maman faisait fort, papa faisait peine. Moi j'avalais tout, la gorge pleine. Les dimanches chantaient la fatigue. Les mots tournaient mal, la maison en frime. Un plat refroidi sur la vieille table et des promesses cassées sous la nappe. J'traîne des noms dans la poche, des bras manqués, des voix qui décrochent. J'ai la rage au bord des dents et le cœur qui cogne en marchant. Sans repère, sans repère, j'crache la nuit, j'garde la guerre. Sans repère, sans repère, on m'a laissé le vide en héritage. Dans la cité j'ai vu des frères chercher l'amour dans les nerfs, chercher un père dans les flashs, chercher la paix dans les embrouilles et le flash. J'écris sur les murs de ma tête des poèmes sales, des prières muettes. Si je souris, c'est pour la façade. Dedans ça hurle, dedans ça se balade. J'traîne des noms dans la poche, des bras manqués, des voix qui décrochent. J'ai la rage au bord des dents et le cœur qui cogne en marchant. J'crache la nuit, j'garde la guerre. Sans repère, sans repère, on m'a laissé le vide en héritage. Mes chiens debout dans la poussière, avec mes failles et mes colères. Si je fais du bruit c'est pour mes pères, pour ceux qu'on grandit sans lumière. Sans repère, sans repère, j'crache la nuit, j'garde la guerre. Sans repère, sans repère, on m'a laissé le vide en héritage.